C'est toi encore qui supplie l'autre de ne pas partir. You are the one that is begging Lord not to go. Tu vas me laisser à qui? You leave me who? Je vais vous choquer. I'm going to shock you. Si vous voulez vous dire que je ne suis plus prophète. If you like, is that no longer a prophet? Il y a même des maris. There are even husbands. Qui doivent quitter ta vie. Now to leave your life. Pour que le vrai mari puisse arriver. For the real husband to come. Je vous dis la vérité. Tell you the truth. Il y a des gens qui doivent briser ton cœur. Now people don't have to break your heart. Pour que celui qui doit guérir ton cœur arrive. So the one that has to heal your heart comes. Si tu dis amen très fort, quelqu'un. Amen, love you. Et si la personne va arriver. And that person will come. Notez ceci. Take note of this. Isaac ne viendra que si l'autre part. Isaac shall only come if Lord goes. Tant que l'autre ne part pas, Isaac ne viendra pas. As long as Lord does not go, Isaac won't come. L'autre était le successeur d'Abraham. Lord was Abraham's successor. Quand l'autre est parti, Abraham a fait l'erreur de prendre Eliezer. When Lord went, Abraham and Isaac have taken the land. Il fallait que ces gens partent pour que Isaac voie le jour. These people had to go for Isaac to see the day. Écoute-moi bien. Listen to me. Je veux parler à quelqu'un. I want to talk to somebody. Je veux parler à quelqu'un. I want to talk to somebody. Cette semaine ne finira pas. This week shall not end. Sente quelqu'un qui t'a vu définitivement. That's the way you shall end definitely. Dernier témoignage. Vous allez la reconnaître. Cette fille-là, il y avait, elle était fiancée à un gars. She was engaged to a boy. Le frère était là toujours utilisant la soie. The boy was a student in school. Et le frère la dérangeait. And the brother was disturbing her. Elle aimait le frère. And she loved the brother. Chaque fois venu mon papa priant vraiment le frère là il comprend pas. Le gars faisait la photocopie à soi. The girl was doing photocopy. Il avait des gens qui ont fini la licence et la maîtrise, mais comme il n'y a pas le boulot, il se débrouille d'abord avec les réseaux. Un jour, je lui ai dit, one day I told her, je suis sûr que le gars est ton mari. Are you sure that the guy is your husband? Il m'a dit, papa, moi je l'aime. I love you. Je l'aime. I love you. Je I love you. Il dit, ah. I said, Dieu me dit de te dire. God is asking me to tell you. Que ton frère, ton mari ne viendra. There are two husbands only. Que si ton lot n'a pas. Is that your lot close? C'est le genre de gars qui disait, je ne veux plus, je ne veux plus, tu n'es même pas digne. Et là, elle va prier, prier. Il y a des femmes bêtes ici dehors. Stupid women out here. Il commence à faire une réaction. Bah! Go! Quelqu'un de meilleur va venir avec toi. Go to the best to you. Lorsqu'elle a, je vous dis, j'ai pris l'eau. I took water. J'ai versé sur le visage de la femme. I put it on the woman's face. J'ai dit aujourd'hui. I said today. By fire, by force. By fire, by force. Je te libère de ce gars. I loose you from this guy. C'était l'enfoutement. It was a charm. Enfant de Dieu, focus pour soi. A child of God, focus pour soi. Quand j'ai fini. When I finished. Quelqu'un aux États-Unis. Somebody from the United States. L'évangéliste de Daniel. The evangelist Daniel. Aux États-Unis, nationalité américaine. In the United States of America, nationality. Est venu la regarder. Came and looked at her. Et ici, là, je repars avec toi. Here I am going back with you. Au moment où je veux partir. The moment I'm talking to you. Aux États-Unis. Now in the United States. Et ils vivent là-bas tranquillement. Quietly. Au lieu de rester avec une femme de papier. Instead of sitting with a paper seller. Je déclare aujourd'hui. I declare today. Toute personne qui bloquait ta vie. Every person that blocked your life. Si ton voleur ne dit pas un message sur que c'est il est suspect, il est suspect. Toute personne qui te tire en arrière, alors que tu vas aller à l'avant, je coupe la corde dans le nom de Jésus. Je coupe la corde dans le nom de Jésus. Tu as même deux fois ses amis. Lève la main vers le ciel. Qui passe par la force. Sorry. property. When you know that you know that you know.